Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Stephen King on the Radio. Tony? Episode 2. I'm scared. On est dans le Maine, dans l'état de la Nouvelle-Angleterre, à l'extrême nord-est des États-Unis. Marguerite Yourcenar a vécu ici de 1950 à sa mort dans une petite maison sur l'île des Monts Déserts. Mais aujourd'hui, il est question d'un écrivain américain qui habite dans cette même région. Il y est né 3 ans avant l'installation de Marguerite Yourcenar et il a sa maison principale à Bangor sur West Broadway. Il n'est pas français comme elle et encore moins académicien. Il est seulement connu pour ses livres terrifiants et son succès interplanétaire. Au début du 21e siècle, il totalise 200 millions de livres vendus, traduits en 40 langues. Et Bill Warren, un critique de cinéma, l'a même surnommé l'homme le plus célèbre de la Terre. Son nom est King, Stephen King. King, comme le roi de l'horreur. Hier, nous avons appris que Stephen King a grandi seul avec sa mère et son demi-frère David et qu'à 8 ans, il a écrit son premier récit, puis qu'il a découvert, dans le grenier de la maison d'une de ses tantes, un carton de livres d'horreur et de fantastique ayant appartenu à son père, avec aussi des manuscrits que celui-ci a écrits sans avoir jamais rien publié pour des raisons que Stephen King n'élucidera jamais. À 16 ans, Stephen King a aussi commencé d'envoyer ses textes à des rédacteurs de magazines qui les refusent. Mais il s'en moque parce qu'il les publie dans une revue éditée par son frère, Dave's Rag. Il est aussi devenu le rédacteur en chef d'un journal qui fait scandale au lycée où il est scolarisé parce qu'il commence à manier un humour à la Swift. Il va souvent au cinéma en autostop pour voir des films d'épouvante et de science-fiction et il écrit un livre dont il possède aujourd'hui l'unique exemplaire. Si nous savons tout cela, c'est parce qu'on est le dimanche 19 juin 1999 et que Stephen King est en train d'agoniser sur le bas-côté de la route 5, Road 5, pas très loin de la ville de North Lovell où il était en train de passer des vacances. Il y a quelques minutes, il a été renversé par le van Dodge de couleur bleue de Brian Smith, 42 ans, et maintenant il perd connaissance. Les secours arrivent. Et c'est un second van qui s'immobilise à côté de lui. Le véhicule est blanc et orangé avec des gyrophares qui flashent sous le soleil des premiers jours d'été. Un médecin en sort. Il s'appelle Paul Phil Brown. Il s'agenouille à côté de lui, il lui coupe son jean et il lui demande de remuer les orteils de son pied droit. Phil Brown lui parle lentement et fort. Il se penche sur lui pour avoir le numéro de téléphone de sa femme afin de la prévenir. Stephen King bafouille quelques mots. Il ne s'en souvient plus et il perd connaissance. En un éclair, il a la sensation qu'il va mourir et une étrange vision lui apparaît. Sa vie se met à défiler comme si c'était un film. C'est un phénomène répandu. Les psychiatres l'appellent « Near Death Experience ». Ce qui se traduit en français par « expérience de mort imminente ». La mémoire du sujet repasse à l'envers, les souvenirs autobiographiques à une vitesse ultra rapide. C'est comme si la conscience tentait, une dernière fois, d'échapper au naufrage du corps. Une dernière fois ? Pas vraiment. Parce que Stephen King ne mourra pas aujourd'hui. La preuve ? 4 ans plus tard, en 2003, il mettra en scène cet accident dans le 7e volume d'une épopée d'un millier de pages, La Tour Sombre. Il écrira à la 3e personne « Stephen King est tellement absorbé par ses pensées que tout d'abord, il ne voit pas le toit de la camionnette Dodge Caravan bleue qui déboule face à lui dans son horizon proche. Aussi, ne se rend-il pas compte que ce véhicule n'est pas du tout sur la chaussée, mais sur le bas-côté sur lequel il se trouve en ce moment. » il n'entend pas non plus l'accélération furieuse du camion qui fonce sur lui. Mais, comme nous sommes le 19 juin 1999, des images et des sons, surtout des sons, se succèdent dans la tête de l'écrivain. Un premier souvenir surgit, puis un second et un troisième, ainsi de suite. Maintenant, Stephen King entend des bombes. Ce sont celles que le président Nixon envoie sur l'Asie du Sud-Est pour transformer le Vietnam en surface lunaire. Voilà. Les USA sont en guerre. Et Stephen King, comme tous les Américains de son âge, veut s'engager dans l'armée. Mais, comme sa mère lui dit que c'est idiot parce qu'il sera dans les premiers à se faire tuer et qu'une fois mort, il ne pourra plus jamais écrire, il y renonce et devient pacifiste. Il se revoit à 22 ans. Il est étudiant, il travaille à la bibliothèque de l'Université du Maine. C'est son quatrième travail rémunéré. Avant cela, quand il était au lycée et après qu'il avait diffusé un journal satirique pour se moquer des profs, un conseiller d'orientation lui avait trouvé un poste de journaliste sportif au Weekly Enterprise. C'est son premier petit boulot. Le rédacteur s'appelait John Gould. Il l'appréciait beaucoup et disait qu'un bon article n'est pas fait par un spécialiste, mais par quelqu'un qui sait raconter des histoires. Pour lui, les disciplines sportives sont des jeux que même les ivrognes arrivent à comprendre quand ils les suivent à la télé du fond du bar. Il suffit alors de faire des comptes rendus de matchs ou des portraits de joueurs comme on raconte des histoires. Il a même dit un jour à Stephen King, « Une fois que vous maîtrisez votre histoire et qu'elle est bien en place, aussi bien que possible en tout cas, elle appartient à quiconque a envie de la lire. » Puis, un autre jour, il a dit aussi, « Quand on écrit une histoire, on se la raconte. » Et quand on se relit, le gros du travail consiste à enlever ce qui ne fait pas partie de l'histoire. Puis, il lui a donné ce conseil, « Écrivez la porte fermée, corrigez la porte ouverte. » Stephen King était payé un demi-cent le mot. Deuxième petit boulot. Il a travaillé à la filature Warrumbo Milson Waving. L'usine était un véritable gourbi qui surplombait une rivière polluée. L'emploi du temps était pénible. Stephen King se levait à 7h. Il partait pour le lycée à 7h30, sortait à 14h, allait pointer au troisième niveau de Warrumbo à 14h58, empaquetait du tissu en vrac pendant 8h, repassait par la pointeuse à 23h02, arrivait chez lui à minuit moins le quart, avalait un bol de céréales, allait se coucher et se relevait à 7h et tout recommençait. Troisième petit boulot. L'année de ses 19 ans, il a aussi travaillé comme concierge à Brunswick High School. Ce travail fut plus important que les deux précédents parce qu'il découvrit pour la première fois la nature des femmes. Il était en équipe avec un certain Harry qui marchait en boitant et portait des pantalons de treillis vert avec une grosse chaîne pour ses clés. Un jour qu'ils nettoyaient tous les deux les traînées de rouille sur les murs dans les douches des filles, Stephen King avait eu l'impression de se retrouver dans un harem. Ce vestiaire était identique à celui des garçons et en même temps complètement différent. Parce qu'il n'y avait pas d'urinoir, bien entendu, mais surtout parce qu'il y avait deux boîtes métalliques fixées sur le mur carrelé sans aucune inscription et d'une dimension qui ne correspondait pas à du papier toilette. Quand il demanda à Harry à quoi ça servait, l'autre lui répondit que c'était des « pussy plugs », ce qui signifie « des bouchons de chatte », c'est-à-dire des tampons hygiéniques. Stephen King remarquait aussi à cette occasion que les douches des filles comportaient des rideaux en plastique rose montés sur des anneaux chromés et qu'elles pouvaient se laver en toute intimité. Ce à quoi Harry avait répondu que les filles devaient être plus timides que les garçons pour ce qui était de la nudité. Voilà. Si Stephen King travaille autant, ce n'est pas pour le plaisir, mais parce que sa mère touche un salaire de misère comme femme de ménage dans une institution pour malades mentaux à New Gloucester et qu'elle est déterminée à ce qu'il entre à l'université comme son frère Dave. Il se revoit un jour en train de déjeuner sur l'herbe avec d'autres étudiants. C'est l'été, il fait chaud comme aujourd'hui. Il est très heureux parce qu'il rencontre une jeune fille soignée, au rire bruyant et aux cheveux teints en roux, avec de très jolies jambes. Elle porte une courte jupe jaune. Elle a avec elle un livre « Soul and Ice » d'Eldridge Cleaver. C'est la première fois qu'il la voit. Peut-être n'est-elle pas une étudiante, mais la serveuse de la pizzeria d'à côté venue lire ici pour son après-midi de congé. Ou peut-être qu'elle est une étudiante discrète. Ni l'une ni l'autre, elle est poète. Quand il la revoit à l'automne, il tombe amoureux d'elle. Ils participent tous les deux à l'atelier de poésie de Jim Bishop. Ce jour-là, elle lit à haute voix un poème qu'elle a tapé à la machine et qui est reproduit dans le bureau du département d'anglais. Le titre du poème est « Cantique graduelle pour Augustin ». Stephen King le connaît par cœur. Efflanqué, l'ours se réveille en hiver, au rire somnolent des sauterelles, au ronflement rêvé des abeilles, au parfum de miel des sables du désert que le vent porte en son sein et jusqu'aux lointaines collines dans la maison de cèdre. L'ours aperçut une promesse sûre. Certains mots sont comestibles. Ils nourrissent plus que des monceaux de neige sur des plats d'argent, que de la glace débordant de coupes dorées. Les éclats de glace de la bouche d'un amant ne sont pas toujours mieux. Un rêve de désert n'est pas toujours mirage. L'ours s'éveillant chante un cantique graduel tissé du sable qui envahit les villes en son cycle lent. Ses louanges séduisent le vent qui passe, vont jusqu'à la mer où un poisson pris dans un filet implacable entend le chant de l'ours dans la neige parfumée de froid. Quand elle a fini sa lecture, il y a un grand silence. Stephen King est bouleversé parce qu'elle ne porte plus une robe jaune comme cet été, mais une robe noire sexy, et parce que son poème ne jaillit pas du néant, comme avec les poètes de la Beat Generation qui sténographient ce qui leur passe par la tête sous dictée divine. Voilà. Ce poème lui fait comprendre qu'un beau texte peut être à la fois enivrant et soutenu par une idée. Ce soir-là, ils sont tous les deux chez Jim Bishop. Elle est assise dans un rocking chair, il est assis par terre à côté d'elle. Il approche lentement sa main de son mollet pendant qu'elle parle et sent la rondeur de sa peau tiède à travers ses bas tenus par un porte-jartel. Elle lui sourit, il lui sourit. Elle s'appelle Tabitha Jane Spruce. Il lui dit qu'il l'aime et il se marie très vite. Alors, comme il veut toujours être écrivain et qu'ils ont un premier enfant, et qu'il n'est plus possible, comme le dit sa mère, d'avoir une chambre sous les toits au bord de la Seine à Paris parce que le romantisme c'est seulement bien quand on est célibataire, il s'inscrit au département des sciences de l'éducation de l'université. 4 ans plus tard, il a son diplôme. Mais, comme il n'a pas de poste d'enseignant, il est encore obligé de prendre un petit boulot. Il travaille à la blanchisserie New Franklin à Bangor. Toute la journée, il manipule des vêtements et des draps et des nappes parce qu'il s'occupe du linge des hôtels et des restaurants et des hôpitaux. Parfois, il est dégoûté. L'été, le temps que lui parvienne le linge sale, toutes sortes de bestioles se mettent à grouiller dedans et parfois ça sent très mauvais et il peut même y avoir du sang. Une fois, il entend du bruit dans une des machines à laver Washex à 3 tambours. Il arrête le lavage et il découvre dans le linge un jeu complet de dents humaines. Puis ils ont un deuxième enfant et Tabitha Jane Spruce est obligée de travailler dans un fast-food, le Dunkin' Donuts. Le seul complément financier qu'ils ont provient de revues érotiques comme Dude, Cavalier Adam, Swank, auxquelles Stephen King collabore en écrivant des histoires sinistres du genre court-métrage d'horreur. On est en 1972, il a 25 ans et il est très fatigué et il y a vraiment trop de factures à payer. Il roule dans une Buick qui a des problèmes de transmission et ils n'ont pas le téléphone. Mais comme ils habitent dans une caravane à Hermon, à l'ouest de Bangor, le loyer n'est pas élevé. Alors un jour, il se demande s'il ne proposerait pas une nouvelle au magazine Playboy qui offre jusqu'à 2 000 $ à chaque auteur. Il veut écrire une nouvelle d'horreur lycéenne qui raconterait l'histoire d'une fille qui s'appelle Carrie White et qui est une victime à qui ses camarades de classe jettent des serviettes hygiéniques à la figure à l'occasion de ses premières règles, puis qui se vengerait d'elle en ayant recours à des forces surnaturelles. Stephen King a cette idée parce qu'il se souvient de l'époque où il était concierge à Brunswick High School et qu'il veut transposer cette anecdote au début d'une histoire dans les mêmes douches pour filles. Mais il se rend compte très vite que ce nouveau projet ne peut tenir que sur la longueur et qu'il n'a pas le temps à cause de la laverie. Et puis, étant donné que Playboy ne publie que des textes brefs, il abandonne et jette le manuscrit à la poubelle. Au même moment, il décroche un poste d'enseignant dans la ville de Hamden, où il est payé 6 400 $ par an contre 1,60 $ par jour à la blanchisserie. Mais il continue quand même de travailler chez Washex. Heureusement, c'est Abitha qui vide la poubelle et elle récupère le manuscrit in extremis. Elle le lit aussitôt pendant qu'il est en cours et trouve cela génial. Quand il rentre en fin de journée, elle lui demande de le reprendre parce qu'elle veut savoir comment c'est fini. Elle lui sourit et dit « Stevie, tu tiens quelque chose avec cette histoire. Je le crois vraiment. » Mais tout est compliqué pour lui parce que sa nouvelle vie ne lui convient pas. Il n'a plus le temps d'écrire et il déprime à l'idée de se voir prof toute sa vie. Il regrette sa vie de célibataire et repense à sa première cuite. Sa première cuite. Ça s'est passé au cours d'un voyage scolaire à Washington. Lors d'une étape à New York, il avait acheté, avec ses copains, une bouteille de whisky à 1,95 $. C'était du Old Log Cabin et il l'a bu à l'hôtel. Puis les garçons étaient allés rejoindre les filles qui étaient en chemise de nuit et il était tombé sur Carol Lemke, à qui il avait dit qu'elle avait les plus beaux yeux du monde. Mais comme il était saoul et que sa voix déraillait, elle avait ri et il s'était senti complètement nul. Puis il s'était mis à raconter la vie de Dean Martin à Gloria Moore et était allé se coucher parce que tout se mettait à tourner autour de lui. Mais il n'avait pas eu le temps d'atteindre sa chambre et s'était retrouvé dans la salle de bain de Louis Purrington et avait vomi dans les toilettes. Le lendemain, il s'était réveillé avec la tête de bois et il s'était fait porter pâle. Être prof toute sa vie. Il s'imagine 30 ans plus tard avec les mêmes vestes de tweed en piécées au coude, le ventre par-dessus la ceinture à force d'écluser des bières, des lunettes avec des verres épais comme des culs de bouteille, des pellicules plein les cheveux et une toux de fumeur de palmale avec derrière lui 5 ou 6 manuscrits inachevés à reprendre de temps en temps pour bricoler dessus, de préférence quand il sera saoul. Et quand les gens lui demanderaient ce qu'il fait pendant les vacances, il répondrait qu'il écrit un livre. Tabitha le comprend et dit encore une fois que l'histoire de Carrie White peut intéresser un éditeur. Alors il suit son conseil et trouve la force de s'y remettre. Quand il arrive au bout du roman, il l'intitule Carrie et il envoie le manuscrit à Doubleday où il a un ami, William Thompson. Un jour, à l'heure du déjeuner, alors qu'il corrige des copies en salle des profs, il est interrompu par l'interphone de l'administration qui le prie de venir au bureau pour répondre à un appel téléphonique de sa femme. Il presse le pas, le cœur battant parce qu'elle téléphone de chez les voisins et qu'il craint le pire. Mais quelle n'est pas sa surprise quand elle lui lit un télégramme de Bill Thompson. « Félicitations, Carrie est officiellement acceptée par Doubleday. Une avance de 2 500 $ vous convient-elle ? L'avenir vous appartient. Amitié, Bill. » C'est une somme modeste. Carrie sort l'année suivante. Stephen King a 26 ans. Avec cet argent, il achète une nouvelle voiture, met enfin le téléphone et signe aussi un nouveau contrat à l'université pour l'année scolaire 1973-1974. C'est bien qu'il ait le téléphone, parce qu'un des premiers appels qu'il reçoit est de Bill Thompson, qui lui dit que Carrie va sortir en poche et qu'il va recevoir 200 000 dollars de rallonge. Voilà. Il est heureux. Non seulement il ne vit plus dans une caravane, mais dans un appartement de Sunford Street qu'il loue pour 90 dollars, mais en plus, on vient de lui annoncer le gros lot. Une fois la conversation terminée, il va acheter un cadeau à Tabitha et revient avec un sèche-cheveux. Quand il lui annonce la nouvelle, elle pleure de joie. Mais l'année suivante, il est très malheureux parce qu'il est au chevet de sa mère qui est mourante. Son frère Dave l'accompagne. Tante Estlin a juste eu le temps de lui lire un extrait de Carrie. Et elle meurt le 18 décembre 1973, rassurée de savoir que son fils est enfin un écrivain. Elle est enterrée à la Congregational Church de Southwest Bend. C'est Stephen King qui prononce lui-même l'éloge. Il s'en sort bien, étant donné qu'il boit régulièrement depuis sa première cuite et qu'il est saoul lors de la cérémonie. L'année d'après, il se lance dans l'écriture d'un nouveau livre qu'il intitule « Chantier » et dont il dit qu'il est un effort pour donner du sens au douloureux décès de sa mère parce qu'il s'est retrouvé à la fois affligé et ébranlé par l'absurdité de tout ceci. Mais c'est dans une nouvelle, chambre 321, qui paraît en 1976 dans le recueil « Danse macabre » qu'il racontera le mieux cet événement tragique. La chambre 321 est celle d'un hôpital, le Central Main Hospital de Lewiston. Une vieille femme qui a un cancer des reins est en train de mourir. Elle a deux fils, John et Kevin. John décide d'abréger ses souffrances et de lui faire absorber 8,8 grammes d'aspirine et 2,4 grammes de Darvon, dose suffisante pour l'euthanasier. Il le fait. Et quand les yeux de sa mère se ferment définitivement, Stephen King écrit à propos de John. Et voilà, il ne se sent pas différent, ni meilleur, ni pire. Cette nouvelle est vraiment autobiographique pour tous les détails qui sont développés, mais aussi parce que Stephen King, comme John, a un frère, David, qui a été adopté, et aussi parce que John lui ressemble. Il se déplace toujours avec des bières dans sa voiture pour être constamment dans un état d'ébriété avancé. Fin du deuxième épisode. You've been listening to Stephen King on the radio. Demain, vous apprendrez pourquoi Stephen King passe 10 ans dans l'enfer de l'alcool et de la drogue et comment son succès continue après la publication de Carrie avec 2 nouveaux romans, The Shining et Dead Zone, et comment il peut enfin s'acheter la maison de ses rêves sur West Broadway à Bangor et comment il prend le temps de faire une pause parce qu'il craint d'ennuyer ses lecteurs, pause pendant laquelle il réalise son premier film, Maximum Overdrive, et joue dans un groupe de rock composé d'écrivains comme lui. C'était Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon et Cécile Musitelli. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egorov. Resistance to your touch. move you.